quand la mer du Nord, pour dernier terrain vague, et des vagues de dunes pour arrêter les vagues, et des vagues rochers que les marées dépassent, et qui ont à jamais le cœur à marre basse, avec infiniment de brumes à venir, avec le vent du est, écoute-le tenir. Le bas pays qui est le mien, avec des cathédrales pour unique montagne, et des noirs clochers comme à de cocagne, ou de diables en pierre de croche le nuage, avec le fil de jour pour unique voyage, de chemin de pluie pour unique bonsoir, avec le vent d'ouest coûte le vouloir. Avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner, avec le vent du nord qui se carteler, avec le vent du nord coûte le craquer, le plat pays qui est le mien, avec l'Italie qui descendrait l'Escaut, avec Frida la blonde quand elle devient Margot, quand les fils de novembre nous revient en mai, quand la plaine fumante tremble sous juillet, quand le vent est au rire, quand le vent est au blé, quand le vent est au sud, écoute-le chanter.